Barbara Carlotti sur CKRL 89. Attention! Hey! Réveille-nous pas de même. Là, je sais qu'il y a des personnes qui connaissent bien l'émission et qui se disent, depuis quelque temps, l'errant rénaldien diffuse deux chansons. Deux chansons! Là, si j'ai bien compté, attends, moi, je suis pas allé à l'école longtemps, moi. Mais en fait, la majeure partie de ma vie, je suis allé à l'école de la vie. Puis à part ça, ben, j'ai fait l'école buissonnière. J'ai fait de la colle. Hey, j'ai fait de la colle à un moment donné dans ma vie, man. J'ai fait de la colle à modèle réduit. J'étais réduit au néant. Je n'étais que l'ombre de moi-même. Mais j'en ai collé des affaires dans ma tête. Aïe, aïe! C'est tellement... Aujourd'hui, là, je pense que va passer juste la fin de mon existence à décoller tout ça, pièce par pièce. Pardon? On y va, oui, on est parti. L'émission est comme... Vous l'avez pas remarqué? C'est un personnage qui dit que lui, son univers, il l'a pris sur le tas, puis... Faut être là à l'heure, madame. Là, ça commence à minuit, rentre rénaldienne, pas à 3 heures. Minuit. Minuit. Il le fera pas. Je sais que tout le monde s'imaginait qu'il va nous faire minuit chrétien, c'est pas vrai. Minuit chrétien, sera le solennel. Mais là, les rangs, j'ai le goût de la chanter jusqu'au bout. Oh là, mais là, j'ai comme le tympan qui me ridiculise la bouche. Essayez-vous, madame! Essayez de vous ridiculiser la bouche par le tympan. Oh non, je ne descendrai pas aussi bas. Non, je sais. Non, vous connaissez la ligne. Je ne dirai pas cette ligne-là. Je la biffe. Au crayon noir, feutre. Comment ging? Crayon 3 pouces. 3 pouces de feutre. Je vois qu'il y a un début de phrase, mais le mot que je dois lire, je peux pas lire. On appelle ça... exactement, on appelle ça de la censure! Là, je sais qu'il y a plein de monde qui pleure. Il pleuve à gros bouillons, comme disait Brel. En se disant, Errance Rénaldienne est rentrée là-dedans dans la censure. C'est pas vrai, dans la censure. Ben, oui, pas pour me faire critiquer, parce que quand je m'écoute, je me dis, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Je dois me couper moi-même. Parce que ça va pas selon ce que je veux balancer, ce que je veux amener, même le mot balancer, ce que je veux... vous apporter. Apporter, c'est beaucoup mieux que balancer. Là. Le mot est important. Le choix est important aussi. Tout est important. Mais il ne faut pas prendre une importance cruciale à tout ce qu'on fait, là, madame. Bon. Là, j'étais parti sur quelque chose. Le 3 pouces. Ah, bon, oh, non, mais. On l'a fait, ça, hein? Normalement, il y a deux chansons. Là, il y avait Barbara Carlotti, que j'ai rencontrée il y a 3 ans. Elle finissait sa saison sur France Inter. Elle est chanteuse. Elle écrit. Elle chante. Compose. Elle réfléchit sur notre monde. Et même... elle nous divulgue des petits secrets. Et danser, c'est une chanson extraordinaire. J'adore ça. Je danse avec moi, là. Une valse à mille temps. Qui s'offre encore le temps de danser autour de l'amour. Mais que c'est charmant, mais une valse à trois temps, ça prend encore un peu moins de temps, mais c'est aussi charmant qu'une valse à quatre temps, une valse à cinq temps. Non, je l'ai fait, Madame Royale, parce que je parle à Madame Royale. Je me trouve du monde avec des noms de consonance hiérarchisés. Madame Royale, as-tu pas... Il y a Madame, oui, je ne veux pas descendre d'autres noms qui ont beaucoup fait pour le Québec. Même, je connais pas Madame Royale, moi. Je connais des rois. Mon oncle est un roi. Marc Roy. Marié à Thérèse Fortin. Et sinon, Royale, à part le papier hygiénique, excusez-moi, mais c'est ça. Peut-être qu'il y a du royal. Des Français sont venus ici, puis si vous êtes un royal, j'ai pas voulu salir votre nom. Écrivez-moi, arenalquebec@commercial.com. Vous êtes mes amis. Nous sommes des amis. On peut parler. On est ici devant un feu de foyer. Le foyer n'est pas là, mais le feu, oui. T'as le feu au cul, mec! Oui. Ça, quand je vais m'écouter, là, j'aimerais pas ça dire ça. Là. Je vais dire, ah oh, non, je... Mais je l'ai dit. La censure n'est pas passée. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Là, j'avais un texte sous les yeux. Où est-il passé? Un petit peu d'eau. Il est là. Il est là, l'ennemi. L'ennemi, il est là. Mais c'est pas mon ennemi. C'est un beau passage, une belle façon d'amener ce beau voyage que l'on appelle la vie, qu'on appelle l'existence. Une si petite empreinte, c'est fini? Non, c'est pas fini, on commence. Restez là, madame, là, on a parlé de la croisière, est-ce que vous vous souvenez? De la mémoire, moi, là, il y a 16 jours. La croisière s'amuse. Pour connaître tout ce que je viens, l'errance rénaldienne, c'est une continuité. Puis même si vous avez manqué l'émission avant, pas vraiment important. Bon, vous raconter ce que... Je vais rapidement placer la structure Nana, ma souris, elle chante plus, elle, hein? Heureusement, parce qu'à la fin, là, oh mon dos, elle avait le... Mets ta main dans la main de celui qui tend la sienne. Mets ta main dans la main de celui qui dit bonjour. Il sera ton ami, il restera jusqu'à la fin des jours. Mets ta main dans la main de celui qui emprunt l'amour. Nana Mouskouri. Les lunettes de Nana. Nana vend moins, là, depuis que Nana fait plus de scène. Puis Nana était comme Georges Moustaki. Elle faisait des concerts à Québec pendant mon anniversaire. Fin mai, début juin. Tout le temps, Moustaki était là à Québec. Fin mai, début juin. Nana Mouskouri était pas loin. Je veux pas partir quelque chose, mais peut-être qu'il y avait une liaison là-dessus. Hein? Moustaki puis Mouskouri. Ça ressent, hein? Mouskouri, Moustaki. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque et mes cheveux aux 80 ans. Avec ma bouche qui s'est mariée au soleil de tous les étés et tout ce qui portait jupons. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont plié tant de jardins. Pillé. Des patates pillées? Pas trop pillées, moi j'aime ça en purée. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu sans jamais s'assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque et mes cheveux aux 80 ans. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. En parlant de 20 ans, nous avons la femme chat C'était pas prévu. La femme chat est là. Bonjour. Bonsoir. Madame chat, ça va? Oh! Je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça sur le chemin de... Vous le savez, vous, hein? Ça cote... Hey! Mais là, on va parler de l'origine de la femme chat. À la télévision, là, dans les bandes dessinées, j'aime pas les bandes dessinées, moi. J'ai dit, je sais même pas si on doit regarder l'image, lire la bulle en haut, dans le moyen, ben, la bulle, il y a trop de bulles. Les bandes dessinées, uniquement dessinées, j'ai aucun problème. Mais lorsqu'il faut lire des textes, là... Enfin, Madame Chat! Ouh! À la télévision, là... On peut vous appeler aussi Ertoquette. Wow! On vient de trouver quelque chose, là, hein? Hey, moi, là, quand j'ai vu cette femme-là, Ertoquette, j'ai dit, oh... Quel personnage? C'est un personnage. Dans la vie, j'espère que... Étiez-vous de même? Oh, la petite excitée! Oh, jusqu'à 80 et quelques, hein? Hey! Pas de Viagra féminine? Ah oui? Ah, mais ça me déchoit un peu, là. En fait, non, vous voulez dire, Viagra, vous écoutiez vos propres chansons, vous imaginiez votre scénario. C'est comme ça que vous vous auto-excitiez. Hey, auto-excitiez. Auto-excitiez. Excitiez. Oui, non. Et comment? Auto-excitiez. Non, je l'avais, mon ami. Auto-excitiez. On arrête l'émission, là. Hey, là, mais moi, écoute, je suis comme un nourrisson en manque de mamelles. Oui, Arta. C'est Arta, en tout cas. Madame Kit, vous êtes Kit, hein? Hey, non, mais attendez, allongez-vous. Parce que je vais parler, vous pouvez vous endormir, là. Non, mais quand tu dis à tes parents, là, que tu fréquentes une fille puis que son nom, c'est Kit. T'sais, c'est un assemblage. Hey, je sors avec un Kit. Oh là là là là. Et ça annonce, là. Mon ami, tu vas vivre une vie heureuse. Une vie épanouie. Parce que Arta Kit, c'est Arta Kit. Hein? Oh. Hey. Ouais. OK. Bon. Madame Kit? Bon. On doit vous quitter parce qu'on n'a plus de budget pour... parce que c'est un long, très long distance. C'est un long distance. Puis en même temps, là, pour les autres là, qui se préparent à tanguer, là, s'en aller, parce qu'on quitte la Terre à un moment donné, hein? Puis, hey, mais avant ça, là, je voudrais vous lire un texte. Puis un jour, tu embarques dans l'avion de retour. Excuse-moi, madame, je suis trop ému. C'est normal, hein, quand on vous embarque. On dirait que vous êtes à côté de moi, là. Oh! Puis un jour, tu embarques dans l'avion de retour. Pas pour mourir, pour revenir à ton point d'origine. Moi, je sais que je vais embarquer dans l'avion sereinement en me disant que les vacances sont finies. C'est tout. André Montmorency. Et j'aime bien répéter deux fois. Puis normalement, quand tu répètes, c'est au moins deux fois. Donc, il y a, bien sûr, répétition du langage. Donc, on y va. Puis un jour, tu embarques dans l'avion de retour. Pas pour mourir. Oh, non, pas pour mourir. Pour revenir à ton point d'origine. Moi, je sais que je vais embarquer dans l'avion sereinement en me disant que les vacances sont finies. C'est tout. André Montmorency. Hey, Madame Kit, excusez-moi, ça va bien, vous? Est-ce qu'André est à côté de vous? Oui, bon, ben, c'est ça l'intérêt, là. C'est pour ça que là, on va s'arrêter quelques secondes, peut-être même quelques minutes. Parce que il faut s'acheter des billets. C'est plein partout. On nous a dit c'est plein, mon gars. Si t'arrives là, tu te fais avoir. C'est mieux d'avoir ton billet. Puis là, j'ai appris il y a quelques années que le ciel s'est bourré. Bourré, pas de bourré. Non, bourré dans le sens que c'est plein. C'est plein de monde. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais oui, personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais oui, personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Grâce à... Du cornichon, il y en a, pis ils sont pas tous dans les pots. Dû à cette chanson, il y a plus de place au ciel. Fait que... Êtes-vous entre le ciel et l'enfer? Entre le paradis et l'enfer? Parce qu'on nous a... On nous a enlevé les limbes, là. J'en parle souvent des limbes. Tu es innocent de nous avoir... On nous a fait croire toute notre existence que les limbes existaient. Les petits-enfants, ils n'ont pas été baptisés sans voir des limbes. Il n'y en a pas de limbes. Il n'y en a pas de ciel. Il n'y en a pas d'enfer. Il y a du monde qui vont dire que l'enfer est sur Terre. Bon, c'est leur problème. C'est leur problème. Écoutez, ils n'ont pas payé leurs affaires, les gars. On s'acharnera pas là-dessus. Nous autres, on va s'imaginer que... Il n'y a pas d'enfer en haut ou en bas, il n'y en a pas d'enfer. On crée notre enfer. On crée notre enfer? Pouvons-nous créer notre après-vie? Comme disait ma mère, après la vie, c'est la survie. Pas fou, ça, là. C'est pas la mort, c'est la survie. Il y a la vie. Et là, non. Ramed, pas la Serbie, la survie. La Serbie, j'ai jamais visité, là, ça doit être super intéressant. Est-ce qu'ils font de la poutine en Serbie? En Serbie, encerclée de sauce, avec la. Étouffée par du fromage, noyée par des. Il y en a. Fâche-toi pas. T'as les yeux multicolores quand tu te fâches. David Bowie, il y avait un œil bleu, un œil vert. Tout est multicolore. Je voulais pas te fâcher. Je savais-tu s'il y avait pas de poutine en Serbie, moi? J'ai jamais visité ça, ce beau pays-là. Ils me laisseront jamais rentrer. Je parle pas le Serbien. Ouais, je sers bien la langue française. Je ne crois pas bien servir la langue française, monsieur. Vous êtes très gentil, là. Vous voulez vous faire du galon? Bon, mais c'est très bien avoir du galon. Surtout que là, je vais peinturer, pas mon studio, mais mon salon. Mon studio, là, c'est l'endroit le plus fraîchement peint. Ça fait 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Les photos. Regardez les photos, madame. Non, mais elle, ses photos. Elle vit sur les photos. Ah oui, elle... Tu te souviens, en 1957, avec Raymond Gaudoin, j'étais là, regarde. C'était la plage Turmel. Hey, j'avais 3 ans et demi, j'avais un petit bikini, ouais, j'avais, j'étais heureuse. Mais comment ça, tu te souviens pas de ça? Ben, il y a la photo. Ben oui, il y a la photo. Edgar Morin, qui parle de la photo. Dans... Et son double, les dégâts, c'est quoi? L'imaginaire et son double. 1956, à peu près. Il parle de la photographie d'une manière tellement belle, tellement réfléchie. C'est bien quand tu parles d'une photo d'une manière réfléchie, hein? Pour les gens qui connaissent, qui font de la... Hein, professionnels, là, hein? Vous êtes des professionnels. Je tiens à parler du professionnalisme. Parce que souvent, on mêle les cartes. On aime ça. On est des joueurs de cartes, hein? En jouant, on carte, on perd ou on gagne. Oui, madame, je l'ai perdu. En jouant, on carte, on perd ou on gagne. Mais maintenant, je ne l'ai plus. Tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin, tintin Ça, c'est 5. On a vérifié, là, c'est 50 MHz. C'est le budget le plus élevé qu'on a fait à SRS canadien SQS. Je ne remercie toutes les mamelles du monde, mais je chante ma chanson. J'ai cherché partout un cœur aussi doux, mais je n'en ai point trouvé. Les filles sont belles, mais je m'ennuie d'elles, je ne peux pas l'oublier. Je ne verse plus, on finit même, toutes les larmes du monde. Car elle chante ma chanson. Ça fait quelle heure je parlais de quoi? Je parlais des économies. Mais non. Ça, c'est l'émission du 2 mars 1998. 98, on était-tu là en 98? Ben non, t'es malade, toi? En 2010. 2010, on était là. Hey, on était assis sur nos lauriers. Wilfrid nous le disait régulièrement. Enlevez-vous de là, c'est moi qui passe. Je suis un nuage de feu, puis je vous ramasse. Si vous êtes encore là, quand je vais revenir, je vais vous précipiter derrière l'avenir. Quand on te précipite derrière l'avenir, t'as-tu peur? Tu deviens du passé décomposé, là. Tu deviens explose. On t'explose. Et on t'expose à la vue de tout le ridicule de la société. Hein, Antonin Artaud sort de ce corps. Quand je monte dans les aigus, je vois Antonin Artaud. C'est fou. Puis au début de l'émission, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Il manquait une chanson. C'est peut-être celle-là. Eh oui, c'était la dernière chanson de notre ami que nous aimons tous. Ah, ça cible des mots, hein? Des noms. C'est pas Patrick Bruel, c'est pas Pascal Obispo, c'est pas Florent Pagny, c'est... Non, c'est pas Éric Lapointe, c'est Nine Inch Nails. Viens-donc. Allô? Y a-tu du monde ici ce soir? Beaucoup trop d'auditeurs? Jamais assez d'auditeurs, Madame Thibodeau. Dites pas ça de même. À moi souffler ça. Moi, j'ai le teint. Je me colle l'oreillette. On appelle ça comme ça dans le milieu, l'oreillette. Au même titre que la poursuite. La lumière qui me projette. C'est la poursuite. Je cherchais pas sur les internautes. Ben, vous pouvez poursuivre les internautes, là. Surtout les internautettes. Les filles, c'est quoi les internautettes? Internautes pour les gars, internautettes pour les filles. Oh, les petites internautettes. Rénal Québec, Ouais, t'es pas capable de prendre ça en note, hein? RAYNALDQUEBEC, A commercial, hotmail.com. A commercial. C'est le A, là, tout bizarroïde, là. Comme les rares rénaldiens, étrange spectre. Aujourd'hui, le vendredi, et là, je suis tellement heureux de vous la présenter. Le 16 septembre, pas le 16 septembre, je m'en balance éperdument. Je pense souvent à Nicolas Perrac qui a la même. Qui aujourd'hui a le problème que mon père avait, la leucémie. Normalement, on meurt après 5 ans. Mon père, lui, je ne sais pas si c'est son côté combattant, son côté québécois bûcheron, mais il a vécu 10 ans avec cette maladie-là. Et Perrac, il est rendu presque à 4 ans. Il a sorti 2 albums, je le suis de très près, puis je suis touché par ce qui lui arrive. Aujourd'hui, le vendredi, excusez-moi, intéressant, vous allez verser une larme, madame, tantôt, après l'émission. C'est pas terminé, on n'a même pas commencé. Vous allez me dire, oui, il y a Nine Inch Nails. Mais ça faisait partie du début que j'ai pas présenté là parce que je voulais pas placer deux titres. Mais à un moment donné, je me disais dans mon tympan de radiodiffuseur, on n'est pas des radiodiffuseurs en passant. On est des radiosatellites. Non, parce que des radiodiffuseurs, là, c'est pas nous. C'est pas nous, les radiodiffuseurs, ce n'est pas... Non, détrompez-vous, là, vous, Madame Couturier. C'est une nouvelle. Madame Couturier, non, c'est pas ça. Les radiodiffuseurs, ce sont des gens qui structurent la diffusion de toutes les chaînes radiophoniques québécoises. Peut-être même... Non, mais je crois que c'est juste québécois au niveau du Canada. Pas certain. Presque certain, en tout cas. Aujourd'hui, le vendredi 16 septembre 2016, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés aux... Puis moi, j'ai jamais de valise, j'ai un sac à dos. C'est jamais lourd, un sac à dos. Puis j'ai du matériel, hein? Légal, veut dire audio, vidéo, photographique, l'appareil professionnel. Celui avec lequel tu couches avec, tu te colles avec, tu sors pas, même titre avec les produits audio, là, tu sors pas de ta chambre sans tout ça. Fait que t'as un sac à dos d'à peu près 50 livres à chaque fois que tu vas pisser. Il ne va pas laisser ça dans ma chambre. Ils vont... Je connais pas ce monde-là. Ils sont bizarres. Ils sont assis à terre puis ils font... Aux 2 heures, ils se réveillent. Ils se mettent à terre puis ils font... Je connais pas la nationalité. On va demander au réceptionniste qu'est-ce que c'est de quelle tribu, là? Peut-être ça vient de Chibougamo. Du monde de Chibougamo sont peut-être de même. Moi, je n'ai jamais allé à Chibougamo. Ils m'invitent jamais à Chibougamo. Ça doit prier, ce monde-là. Parce qu'ils veulent pas qu'ils bouchent le chemin. C'est pas long, le chemin pour aller à Chibougamau, là. C'est quoi? C'est 3 cm et demi. Quand t'as des roues de 4 pouces, tu passes pas là, là, Chibougamau. T'es fini en hiver. Tu dois attendre, là, au trône pour te le faire lever par l'hélicoptère. Puis faut que ton avant tout, faut que ta voiture soit en métal parce qu'ils vont chercher, là, ils vont t'aimanter. L'hélicoptère va te monter puis va te descendre à l'autre route. Parce que Chibougamau, c'est tellement petit que je sais même pas s'il y a encore de la vie à Chibougamau. J'étais passé par les événements. On m'a demandé, on voulait que je fasse une émission là-bas. Je dis, voyons donc. Oui. J'ai quand même 45 livres de matériel. Me rendrai pas là. Il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est Chibougamau. Il n'y a plus rien, je suis mouillé à moi, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Aujourd'hui? Ah non, reste avec nous. Non, mais je suis mouillé à moi. Il se passe rien. Il s'est jamais rien passé à Chibougamau. T'as-tu entendu des meurtres à Chibougamau? Un chanteur qui s'est illustré à Chibougamau, il n'y a rien à Chibougamau. Les gens sont heureux de même. Ils sont dans l'anonymat. Par exemple, une grande vedette peut finir sa vie à Chibougamau. Tout le monde va être heureux. J'ai jamais vu sur Facebook, là, habiter à Chibougamau. Non, ça rentre même pas dans les cases de Chibougamau. Comment t'écris ça, Chibougamau? On dort. J'ai une maison, moi, qui restait là. Un espèce d'ami incroyable. Oh! Ça fait beaucoup à Chibougamau. Eh, monsieur! Il arrêtait à SAQ à Québec pour s'acheter 2,41 de dry gin. Pas du dry gin, ça pue, ça sent le parfum dégueulasse. Il buvait ça en montant pour pas se rendre compte qu'il montait à Chibougamau. Hey, on s'en va à Chibougamau! Aujourd'hui, le vendredi... 16 septembre. C'est une blague en passant, là. Venez pas me casser la gueule. Il est déjà cassé à 3 reprises. Regarde, ici, là, la surmolaire m'a l'air très basse comparativement à... Ouais, ici, là. À la mâchoire inférieure. Ils me l'ont comme... ils ont pris un stylo Bic. Un stylo, on dira pas la marque. T'as dit Bic? Non, Bic. Ils m'ont piqué. Ils m'ont piqué 3 fois le palais. Ça n'a pas fonctionné. J'ai dit, heureusement, je suis pas le palais de glace, hein, ça fondrait. Ils n'ont pas compris. Ils se disent, non, ces gens-là, là, quand tu montes là, dans la hiérarchie éducationnelle, là, le bac, les gens, ils peuvent rire encore. La maîtrise, un peu moins. Là, quand tu t'en vas dans, hey, monsieur, quand tu dis que tu as fait un mémoire, oh. Et ben, ça, là, tu ris plus, là. Même si tu plantes tes grandes blagues d'errance rénaldienne sur un médecin qui a fait ce genre de travail-là intellectuel, tu le perds, là. Lui, il est pris dans les syllabus, dans les clapucieuses, dans toutes les structures, hein, les choses. Nous autres, on connaît pas ça, là, on n'est pas si intelligent, mais eux autres, ah, mon. Aujourd'hui, le vendredi 5 septembre. 16, hein? Oui, nous cesserons de parler, mais nous cesserons pas d'émettre! Tu sais, le gars qui a trop étudié, là, il est là. Mais non, c'est normalement, si on touche pas aux antennes, on va continuer à émettre. Mais ça parle pas comme ça, là. Moi, je fais l'idiot, mais c'est pas des idiots, c'est des gens qui. Ils sont tring, tring. Mais non, certainement! S'il n'y a pas d'idiot, écoutez, si on ne touche pas aux secondes, c'est fatigant ce monde. Mais c'est enrichissant pour une société. Plus il y en a, plus ça fait vieillir, ça fait mourir plus vieux nos personnes qui vont peut-être. C'est comment? Je m'enlise dans la réglisse savoureuse de la vie, ben tant mieux. Mais, hein, ben c'est tant mieux, voyons donc. Moi, c'est la réglisse, c'est noir, hein? Il y a la réglisse rouge. C'est quoi la réglisse noire? C'est de la réglisse noire. Hein? Faut pas chercher trop loin. Non, mais moi, j'ai un côté sophistiqué de l'éducation. je tente toujours de toucher le mot véritable, puis je me... Comme la crème glacée, à un moment donné, ça fond. Sur le cornet, là, t'as les mains. C'est bien beau au début, là, c'est beau. Un beau cornet! Puis, quand il fait chaud, mange-le vite, ton cornet, sinon ça dégouline. Reste à dégouline. Aujourd'hui, le vendredi 16 septembre 2016, nous dégoulinerons. Nous, ça coulera pas. Ça coulera pas. Bientôt! Mais non, c'est pas bientôt les sucres. Avec moi, le malade. Voyons, calme-toi. Calme-toi. Quand on me dit calme-toi, ça m'active encore. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, sac à dos. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la durée et entourons-nous de mon ami Kiri Christmanson. Oh! Kiri Christmanson. Qui est-elle? Ben, c'est une auteure, compositrice, interprète canadienne. Là, j'ai pas trop parlé quand elle me l'a dit, parce qu'elle est née en 90 à Ottawa. Donc, c'est de la jeune Kiri. Kiri commence à apprendre la guitare à l'âge de 9 ans, puis la trompette à 13 ans. Elle est remarquée en 2006 sur la scène de Winnipeg Folk Festival au Canada et sort son premier album autoproduit en 2007 de Kiri Car Groove. Elle remporte beaucoup de beauté, cette jeune fille. Elle remporte cette même année le prix de la meilleure jeune interprète pour cet opus lors des Canadian Folk Music Award. C'est une erreur de dire ça comme ça, mais en tout cas. Elle quitte alors le Canada pour la France. Oh! Hein? C'est pour ça que je l'ai rencontrée. Elle a quitté le Canada pour la France, une fille intelligente. Quittez tous les Canadiens, là, partez! Partez en France! Ouvrez-vous les horizons! À part certains, Neil Young, Leonard Cohen, Joey Biden, Alain Menay, Machin, oui. Restez-vous. C'était quelque chose, je ne sais pas. Où elle produit des études de musique à l'Université de Lumière Lyon. En parallèle, cette jeune sort son deuxième album, Pig in Love, en 2008, après la promotion de ce disque et une tournée en première partie de Émilie Loiseau, que je tente de rencontrer depuis 6 ans. L'artiste publie un nouvel album, Origin of the Star, en 2010. Mélan folk, jazz et chant traditionnel. Vous entendrez tout ça, là, grâce à Errance Rénaldienne. C'est plaisant, je suis heureux de vous le dire. Et je suis très heureux de vous la présenter parce que j'ai eu une rencontre très piégée. Mais je ne l'ai pas piégée, moi. J'ai dit, venez, mademoiselle, je savais. J'avais un début de bio, mais pas l'ensemble. Quand elle m'a dévoilé tout ça, j'ai dit, oh! Je t'invite facilement parce que au moins pour une fois, le haut et le bas Canada pourront discuter de création. Donc, après la musique, là, toute la musique. Toute cette rencontre vient de mon ami Kiri Christmanson. On commence maintenant? On y va? Êtes-vous prêts? Madame, oui? Allô? On a coupé court? Ben oui, c'est sûr, on avait... La femme chat. Bon. C'est très triste, là. Est-ce qu'on peut, Madame Chat? Est-ce qu'on peut passer à l'émission? C'est parti! I think we are going down. When the city rise, when the ocean rise. I think we are going down. And I hold on to you. And I hold on to you. And I think God is breathing in. And if you didn't believe, you better know. Because I think we are going down. I don't know, so hold on to you, and I hold on to you, and I hold your hands on my hips. I say, do you believe that God is in our pleasure? You know I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good, and I hold, and the birds sing when my baby cries, and hold is a song, and the wind blows when my baby sighs, and hold is a song. And my baby keeps a beat when he's walking down the street. I say your rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good. And I hold on to you, but I think we are going down. I hear the trumpet call and the marching band. I think we are going down. The colors flash by so fast. I think God is breathing in. And if you didn't believe, you better know. Do you believe? Baby, do you believe? Baby, do you believe that God is in our pleasure? You know I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good. Hold on to you. On parlait de vous justement. Ah, tu lui demandais qui il allait rencontrer maintenant. Et, ah, d'accord, ok. Il disait Kerry. C'est marrant. Enchanté en tout cas. De même. Je ne sais pas d'où je vous connais, mais je vous connais. Peut-être sur 5. Vous vous croisez sur 5. Ouais, je sais pas, c'est possible. Tu viens d'où d'ailleurs au début? Je suis canadienne. T'es canadienne, ok. De Montréal ou de. Non, je suis née à Ottawa. Ouais. Mais j'ai grandi dans l'Ouest, aussi à Montréal, quelques années. Ouais. Au Nouveau-Brunswick, on a beaucoup bougé en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, mais, et j'ai de la famille partout d'ailleurs. Dans le monde. Je ne sais pas d'où je viens au Canada. Partout. C'est bien. Bah, du coup, je vais vous laisser, moi. Et merci, merci. Puis, bien sûr, je vais payer, ça me fait t'es plaisir. Sûr, bon, c'est oui, sûr. Ça me fait plaisir. Merci. Puis, on se revoit vendredi, 19h30. Et s'il y a un pépin, tu m'envoies quelque chose. Ça marche. Ok. Je fais ça. 19h30 avec l'artiste aussi. Artistes. Ben ouais, avec Clarence. Merci. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Kéline, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux t'installer ici? Oui, parce que bien le sûr. Son est un. Oui. Ouais, t'as galéré dans les métros? J'ai un peu galéré, j'étais dans le sud de Paris en fait. Ah oui, okay. J'avais rendez-vous dans le sud, donc c'était lent et puis voilà, okay. C'est toujours plus lent que l'on pense quoi. Ouais. Mais bon, ça va. Mais je suis là. As-tu pris l'accent en travaillant ici ou Mais en fait, je suis anglophone à la base, donc. Mais oui, quand je vivais à Montréal, quand j'avais 4, 5, 6 ans, oui, j'avais l'accent québécois. Mais oui, je suis ici depuis 5 ans maintenant. Donc, alors, t'as pris un peu l'accent. J'ai pris, oui. On me dit que j'ai un accent anglophone, mais non. Franco-anglo. Franco-anglo, ouais. Parce que Jane Birkin, elle a l'accent anglophone. Oui, elle fait un grand effort pour l'avoir. Elle cultive, elle fait son charme aussi. J'espère qu'elle va le garder longtemps. Ah oui, jusqu'à la fin. Ouais. Sinon, je ne vais pas massacrer ton nom. C'est Kiri. Chris Manson. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est un nom de scène ou si c'est ton véritable? Non, c'est mon vrai nom. Ouais, c'est mon, c'est, oui, c'est, oui. Alors, c'est grâce à ce nom-là, tu peux pas faire autrement que de la scène. Oui, je ne sais pas, il est un peu compliqué comme nom, non? Il est intéressant chargé, pour faire du show business. Il est chargé. Kiri, oui. Ça veut dire Dieu, évidemment. Oui. Seigneur. Et Chris Manson, c'est le fils de l'homme du Dieu. Non, fils de l'homme du Christ. Donc. Mais c'est pas lourd à porter? C'est pas lourd à porter. Je le vis bien, je le vis plutôt bien. Mais oui, j'ai déjà eu des. Voilà, des j'attire une certaine type de personne à cause de ce nom, je pense. Ouais, ouais, ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce qui t'a amené à. Mais tes études, c'est des études classiques au départ? C'est... Alors, tout départ, oui, j'ai fait de la guitare classique, mais vraiment quand j'avais 8-9 ans. Et je l'ai fait pendant quelques années. Et puis après, je suis trompettiste aussi, donc j'ai fait des années de trompette. Classique? Trompette classique, jazz, enfin différentes choses, mais c'était pendant que j'étais à high school, quoi. Donc, mais, à Vancouver, c'est à quel endroit? Non, j'étais à high school entre Fredericton, okay. Et Regina, en Saskatchewan. Et puis je suis revenue à Ottawa pour fermer l'université. Et donc, ouais, j'étais assez sérieuse à propos de la trompette, mais quand je me suis mise à écrire des chansons, c'était... Difficile. Non, c'était autodidacte, quoi. Okay. C'était, c'était voilà, j'ai pris ce que j'avais pris du classique. Après, voilà, je jouais un peu des chansons folk. Enfin, j'ai vraiment fréquenté le milieu de la musique folk, enfin, voilà, un peu partout au Canada, les festivals, etc. Donc, bah, j'ai un peu pris à droite, à gauche, et j'ai fait ma sauce, quoi. Mais je joue sur une guitare classique. Bonjour. Qu'est-ce que vous reprenez ? Moi, je vais prendre une limonade. Je vais prendre. Est-ce que vous auriez citron pressé ? Ouais. Je veux bien citron pressé. Ouais, merci beaucoup. Et voilà. Donc c'est la guitare classique. Après, voilà, je dirais plus que ça. Combien d'années une sorte de guitare classique ? Où, je pense que j'ai fait 3-4 ans, peut-être. Mais ouais, donc j'ai un peu assimilé, je joue un peu avec le style classique. Après, je dirais que je fais une sorte de folk moderne, quoi. C'est pas à ta sauce. C'est, voilà, exactement. Comme beaucoup de musiciens canadiens, je trouve qu'on fait un peu à notre sauce. Hein. Voilà. Et mais bon, cela dit, le dernier album que j'ai sorti. Mais moi, je me considère comme québécois et non pas canadien, en passant. D'accord. Ok. Non, il faut le dire. Oui, il faut, oui. Mais je parle plus, tu vois, de la scène musicale. Canadienne, québécoise, il y a vraiment... Mais plus Neil Young et ces gens-là que... Oui, mais aussi à Montréal. Oui, c'est sûr, Johnny Mitchell. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire que je trouve qu'il y a vraiment un esprit d'autodidacte, de se mettre en scène ce qu'on est, ce qu'on a appris sur le chemin, etc. Enfin, étais-tu le genre de petite fille à te montrer devant tes amis De me montrer devant mes yeux. Ouais, faire des petits spectacles, dire, oui, regardez, c'est moi. Ouais, je crois, ouais. Je crois que dès que j'avais une chanson, une nouvelle chanson, j'avais très envie de la jouer, ouais. À quel âge t'as commencé à composer ta première chanson? Merci. J'ai commencé peut-être à l'âge de 14 ans, je crois que j'ai fait ma première chanson. En anglais? En anglais, oui, mais très très tôt, je pense, enfin, peut-être ma deuxième chanson ou troisième chanson. D'ailleurs, peut-être c'est pour ça que vous m'avez proposé un rendez-vous ici. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Au Montmartre. Oui, oui, oui. qui était une sorte de rêverie sur Paris. C'était bien des années avant d'être venue. J'ai composé cette chanson et sans l'avoir visité, voilà, vraiment avec juste en regardant des photos. Enfin, j'ai fait l'immersion au Canada, donc il y avait beaucoup de en français, tout était en français et on apprenait pas mal d'histoires françaises et donc je pense que j'ai dû être inspirée par ça, par des photos de l'époque, etc. Donc j'ai écrit, 20, 30, oui, enfin, la belle époque, cet âge d'or de Paris. Où tu pouvais voir Prévert prendre un café. Exactement, ou au Lapin, à Gilles, etc., les artistes qui fréquentaient ce café-là, etc. Et cette chanson vient tout juste d'être prise dans un documentaire sur le Paris qui parle à propos du tourisme à Paris. Et un peu l'idée que les gens se fait de la ville et puis la réalité... Le stéréotype et la réalité. Et la poésie des deux, quoi. Et donc j'étais très touchée qu'ils ont pris cette chanson parce que c'est un peu tout à fait ça, c'est des fantasmes. Est-ce que c'est toi qui la chante? Oui, je la chante, c'est sûrement le premier album qui est sorti en France. Vu que c'était le premier, est-ce que tu l'as remixé ou tu as gardé la même piste? On a tout gardé. Okay. On a tout gardé. D'ailleurs, ça s'entend. Oui, hein. Je fais un peu des fautes de français et des. Est-ce que c'est voulu que tu la gardes? Non, mais est-ce que c'est voulu de l'avoir gardé? Cette version? Oui. Oui, on trouvait qu'il avait un charme. On trouvait que cette version avait un charme. Donc, elle disait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, la reprise ne serait pas aussi... Oui, c'était vraiment... Et puis, ça a été enregistré presque au moment de la composition. Donc, c'était plein fantasmes. De ces rêveries. Donc, le label, il voulait garder absolument cette version-là. Il aimait bien les petites fautes. Ça fait charmant. Ça fait aussi... une touriste qui essaie de s'amalgamer à la France, malgré le fait qu'elle est anglophone. Ou bien qui veut adhérer au rêve. Voilà. Qui veut adhérer au rêve. Comme certains adhèrent au rêve américain, toi, tu essaies de te peaufiner ou de te joindre. Oui, je pense que je crois que Paris, c'est une ville qui attire les rêveurs, quoi. Ouais. qui attire, même si c'est plus difficile aujourd'hui, c'est une ville qui est peut-être moins facile pour des artistes. Il y a pourtant une énorme concentration d'artistes qui habitent ici. Et donc, j'en fais partie des rêveurs. Oui, c'est ça. Ou des pourfendeurs, parce que tu dois tout le temps revendiquer tes droits, puis dire non, c'est moi la meilleure, prenez pas celle-là, c'est moi qui va faire le truc. Donc, il y a beaucoup de travail de te montrer et de te dire c'est moi la meilleure. Non. Non. Non, non, je sais, je crois pas que je suis la meilleure, donc, okay. Donc je sais pas, non, je sais juste faire à moi-même, je sais juste être moi-même, c'est tout. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te consacres à la musique un peu plus populaire et non pas au classique? C'est qu'à un moment donné, si tu en avais marre des gammes, tu avais marre du solfège et de toutes les structures. Oui, parce que je pense que j'avais toujours envie, enfin, il y a des gens qui ont ce besoin de créer la musique, qui jouent. Et je pense que j'en faisais partie de ces gens qui voulaient créer ce que... Et j'avais une très grande envie de dire des mots. En anglais. En anglais, en français, peu importe, j'écris dans les deux langues. J'avais juste une envie de m'exprimer avec des paroles et la trompette ne me permettait pas. Et la guitare classique, il n'y a pas de répertoire. Enfin, voilà, j'avais envie de dire des choses qui étaient en moi. C'est tout. Et voilà. Enfant, est-ce que tu écrivais un journal de bord? Est-ce que tu écrivais ton journal intime? Tout le temps. Même aujourd'hui, tout le temps. Est-ce que tu piges un peu là-dedans pour écrire des textes? Mes carnets de travail sont un peu comme ça. Avec des photos, avec des... Ouais, tout le temps. Je trouve que c'est très, très important et j'écris des... Des paroles, tout ça fait partie de ma discipline du quotidien de ma vie, écrire et aussi même pas que des chansons, mais aussi des impressions d'être là. Qu'est-ce que ça me fait, comment ça me traverse. Moi, c'est un besoin viscéral de transformer ces moments passagers en quelque chose qui perdure. De concret, d'une chanson. Ouais. C'est, voilà. Après, peut-être je vais l'utiliser, peut-être pas, mais je trouve qu'il y a une telle beauté qui s'enchaîne. Voilà, qu'on peut pas taire. J'ai envie de garder un tout petit peu comme c'est je peux. C'est un petit bouquet là, que tu veux. Exactement, préserver. Exactement. Donc, avant que ça fane ou exactement. Avant donc pour moi, dans ma petite manière, je vais écrire ça. Peut-être ça va devenir une chanson, peut-être un poème, peut-être rien, mais ça va être là dans mon carnet. Et que tu vas te relire à un moment donné. Oui, et ça me fait énormément de plaisir de relire. De relire ces moments parce qu'on oublie. Et, Et Dieu merci qu'on oublie parce que ça nous permet de, voilà, de reprendre autre chose et de dire ça. Ah oui, mais à une certaine époque, j'ai. Oui, non, exactement. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux écrire? Est-ce que y réfléchis-tu ou au contraire, c'est des mots qui amènent les idées et que tu sais jamais où tu t'en vas? Oui, je pense que quand une chanson arrive, elle arrive, on sait pas. Il y a une phrase ou une mélodie qui arrive d'on ne sait pas où. Et pour moi, c'est très important de ne pas comprendre la... C'est mystique. Il y a un côté mystique. Après, c'est sûr qu'il y a un travail. Il y a un travail après, mais pour moi... Au départ, il y a quelque chose Au départ, ça doit arriver comme ça. Il y a une certaine un moment de clarté qui arrive. Ici, et pour moi, cette source-là, elle doit... J'ai besoin de sentir qu'elle vient d'ailleurs, quoi. De quelque chose de plus large. De spirituel. Oui, peut-être de spirituel. Sinon... Sinon, je peux pas finir la chanson. Il doit y avoir quelque chose de fascinant, un mystère au sein de la chanson, une tension que j'ai envie de suivre, telle une détective. Donc c'est ce que je fais. Après, c'est vrai que sur mon dernier album, je suis en tournée en France pour cet album en ce moment. J'ai fait un master à la Sorbonne après mon première tournée sur les femmes troubadours. C'est les premières femmes compositrices de l'histoire de la musique et les premières à écrire à propos de l'amour profane. Donc c'était au Moyen Âge, c'était au moment des troubadours, etc. C'était au moment où les seigneurs partaient faire la croisade. Ces femmes tenaient les châteaux et elles écrivaient des chansons. Donc il y a un très très petit répertoire de leur musique. Il y a seulement une chanson qui a survécu intacte avec les paroles et la musique. Donc j'ai fait un travail de reconstruction mélodique de ces chansons. Et après, j'ai écrit un album qui est inspiré de ces sources. Alors c'est inspiré au sens large, c'est vraiment... Je prends un peu l'esprit, je prends des paroles, je prends des histoires parfois. Donc dans ce travail-là, c'était une sorte de travail de rendre hommage aux femmes que je trouve être... Un peu ma racine musicale. Des pionnières aussi. Voilà, c'était vraiment... Enfin, c'est la première fois que l'histoire retient la voix féminine, quoi. Et elle parle à propos d'un désir et d'une sensualité extrêmement personnelle. Voilà, pour le coup, c'est quelque chose qui est très mystérieux et très surprenant pour l'époque, qui est marqué par une très grande ferveur religieuse, qu'elle s'exprime de cette manière profane. Donc ce répertoire-là était un peu différent parce que j'avais... Ah, merci, parce que j'avais cette envie de... Elles sont extrêmement méconnues, j'avais une envie de mettre une lumière sur elles et de dire que je suis héritière quelque part de cette tradition, je la fais revivre. Et tu veux pas non plus manière. Que ça se taise ou que ça... Je veux pas que ça se taise et je veux pas que ça devienne non plus un objet au musée. Sacraliser, désacraliser tout ça. Amener au peuple. Amener au peuple, ça vit toujours, on chante des mêmes choses, on compose de la même manière. Enfin voilà, il y a une file qui n'a pas été coupée. Ce répertoire-là, c'était un peu... J'avais jamais vraiment composé comme ça, mais ça m'a donné un cadre qui était très inspirant pour moi et que ça m'a permis d'écrire plein de choses. Est-ce que tu te considères comme une féministe? Oui, je pense que tant qu'il y a des choses qui sont inégales, il faut le dire et malheureusement, je pense que les choses progressent énormément. Mais lentement. Mais très lentement, donc je pense qu'il ne faut pas... Je pense qu'il ne faut pas se taire, il faut sans dire que les hommes sont inférieurs aux femmes, ce n'est pas le message. C'est juste de valoriser l'expérience féminine et de l'explorer. C'est mon expérience, donc c'est très naturel pour moi de l'explorer et de la célébrer. En même temps, tu peux être féministe et féminine. Oui. Ça ne veut rien dire. Ah non, ça va. Tu peux être une féministe à talons hauts. Oui. Je le suis d'ailleurs. Mais tu peux être... Heureusement. Oui. Moi, je pense que l'important, c'est d'être soi-même. C'est de ne pas... De ne pas se trahir, de ne pas prostituer ses idées. Est-ce que... Avec les années, parce que ça fait quelques temps que tu écris, ça fait quelques temps que tu apprivoises la musique, avec la basse classique, c'est merveilleux parce que tu reviens rapidement aux sources, tu connais tes racines, et surtout, tu connais la musique. Contrairement à plusieurs musiciens, musiciennes qui fonctionnent par oreille, donc ils n'ont aucune... Toi, tu prends la partition, il n'y a pas de problème, là, puis tu peux même aider les musiciens. Vois-tu une évolution dans ton répertoire? Oui, complètement. Mais je pense... Enfin, j'écris des chansons depuis que j'ai 14 ans, je joue depuis que j'ai 9 ans. Donc, pour toi, c'est naturel. Oui, c'est naturel, mais je trouve qu'avec... qu'avec l'âge, j'ai 26 ans maintenant. T'es toute jeune. Oui, on devient de plus en plus soi-même. Et ça, c'est très, très agréable. Je trouve qu'on a moins de choses à prouver. On a juste une sorte de... On creuse de plus en plus profondément en soi. Et de toute façon, chaque artiste... C'est des racines. Racines, voilà, exactement, son enfance, comment on voit le monde. Parce qu'après tout, on ne peut que faire soi-même. Et pour moi, la plus grande réussite artistique, c'est quand les gens arrivent à se révéler. Dire voilà qui je suis, voilà qui je suis. Et voici je trouve, mon univers. Voici bon, mon bon. Univers, voilà comment je vois le monde. J'espère que ça vous touche, j'espère que ça amène de la beauté dans votre vie. En tout cas, on peut pas, moi je suis pas dans une musique pour je fais pas la musique McDo quoi. Ah ouais, c'est pas du préfabriqué et c'est de l'intimisme. Et avec l'âge, je trouve qu'on arrive de mieux en mieux à explorer ça et je trouve que c'est très rafraîchissant. On se rend compte d'une richesse. Tu arrives plus rapidement à l'essentiel. Oui, peut-être c'est ça. Ouais. Parce que tu te connais très bien. Oui, on se connaît mieux. On se connaît mieux. Toi, personnellement, tu te connais mieux parce qu'il y a des gens à 26, 27 ans qui sont encore perturbés. Mais toi, tu as fait beaucoup de ménage dans ta vie. Il y a un cheminement là-dedans. Oui. Non, mais c'est un travail constant. Et puis aussi. Et c'est un travail personnel. Un travail personnel, mais aussi. Enfin, ce qui est curieux, je vais peut-être un peu me contredire, mais je trouve aussi avec l'âge, on se regarde moins et on regarde le monde. Ah oui, OK. I think we landed. Boys, take a good look around. The air is clear. My boys, take a good look around. And the trees grow up and the rain falls down. And I brought nothing. Can I see you? Tell me, who are you? I'd love to know you. Are we happy yet? Do you find this good too? When I brought nothing, no flag to raise. Well, your island is big, I can't see the other side. But I like to look out. I'll take a good look around. The air is clear, I don't cry as much. My boys, we came a long way. And the trees grow up and the rain falls down. And I brought nothing, can I have you? Tell me, who are you? I'd love to know. How will we know when I brought nothing? No look in my eye. I think we landed. Boys, take a good look around. And the earth in my hands will build it upright from the ground. You tame fire and you the fields. I brought nothing, I don't know nothing. I got nothing, gonna wait and see. Tell me, who are you? Are you calling me? Don't know what you say, but I like the way you speak. And I got nothing, I don't know nothing. I brought nothing, oh, tell me my name. Écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Et ça, on c'est... va puiser. Ouais, voilà, on est peut-être... Ouais, voilà. C'est comme ouais. l'éponge, tu viens chercher le liquide. Ouais, exactement. Ce dernier mois, je sors de... J'étais en tournée assez intensément depuis le mois de janvier. Et puis le mois de juin, j'avais vraiment du temps que j'ai passé à me balader dans Paris, à m'asseoir dans les parcs, à visiter les musées. Ouais. Et de recevoir le monde, et c'était d'une telle beauté, d'un tel enrichissement, et ça faisait très longtemps depuis que j'ai fait ça, parce qu'on est constamment dans le faire, dans le... On appelle ça se ressourcer. Oui, voilà, et voilà, et c'est très agréable de pouvoir faire ça, et de pouvoir être à une stade où on s'autorise de faire ça, parce que je trouve que ça amène c'est beaucoup un luxe à la... Aussi, hein, c'est un luxe aussi, et j'en suis consciente et j'en suis reconnaissante. Mais je trouve que ça alimente énormément la musique et le processus créatif, c'est essentiel. C'est essentiel. Mais toi, ta grande force, c'est d'être troubadour. Peut-être c'est ça, ouais. Ouais. C'est que t'es pas cloisonné, tu viens pas d'ici, tu viens de partout. C'est peut-être ça, c'est peut-être... Quoique je me considère vraiment canadienne. Canadienne au sens... Canada. Bah, voilà, moi ma politique... Non, ma politique à propos du Canada-Québec n'est peut-être... J'ai pas eu les mêmes expériences que vous. Quoique, j'étais à Montréal pendant le référendum 95, donc j'ai... Et toi, t'as voté pour quand? J'avais 5 ans, donc j'ai pas voté. Ah, t'avais 5 ans? Oh, oui, c'est vrai. J'ai juste des souvenirs lointains Mais tes parents étaient quand? Je ne sais pas comment ils ont voté, en fait. Je pense que c'était une vote qui était très personnelle pour eux. Oui, OK. Et donc, on n'en a jamais parlé. Mais je me souviens de l'émotion de ce moment. Ouais. Et voilà, donc j'ai décidé... Est-ce que tu es politisée? Oui, enfin, j'essaie de... Est-ce que je suis politisée? Je trouve que ça fait partie de... Je suis politisée dans le sens que je trouve que... Être artiste, c'est aussi... Prendre position. Prendre position et aussi de s'imbiber, enfin de sentir les vibrations du monde actuel, quoi. Donc ouais. On peut pas se tenir à l'écart. Il faut agir sur ce qui se passe. Il faut agir. Mais je trouve que l'art, enfin, ce qui est intéressant dans l'histoire de la chanson, par exemple, des chansons qui n'ont pas été forcément des chansons politiques ou engagées, prennent parfois la force. De cela. Donc je trouve que ils peuvent le devenir. Enfin, Bob Dylan, c'est l'exemple par excellence. Il a énormément de chansons que pour lui étaient des chansons poétiques. Mais la poésie était tellement forte et tellement universelle. Les métaphores, que des mouvements ont pu s'attacher à ces chansons. Donc je trouve que la force de la chanson, c'est de pouvoir porter des messages très poétiques, très métaphysiques. Et les mouvements politiques peuvent se retrouver là-dedans. C'est assez large. Moi, je suis pas personnellement. Je trouve que on peut pas devenir trop littéral avec ça. Ça peut desservir une chanson. Donc c'est une étape au-dessus. Mais tant mieux, parce que c'est là où la politique et la poétique se rejoignent. C'est à quelque chose qui est un peu plus élevé, un peu plus métaphysique. Donc oui, je trouve que la chanson, même si elle le veut pas, elle est politique. Tout est politique. Tout est politique, elle existe. Une chanson, c'est une rencontre avec un écrivain et le peuple, quoi. Quand ça marche et ça résonne dans le peuple, on espère, c'est ça qu'on veut. Donc forcément, elle devient politique. Quelqu'un, même si ça touche une personne, c'est déjà beaucoup. Oui. Il faut arrêter de voir la chanson un acte très populiste. Hein. Faire un succès, c'est bien beau au niveau monétaire, mais quand tu touches une personne avec une chanson, c'est déjà... Moi, je suis ravie quand quelqu'un me dit que telle chanson... Tu m'as sauvé de la dépression. Il n'y a rien de plus fort, donc ça c'est sûr. Et lorsque tu travailles en studio, fais-tu une projection de ce que tu vas faire sur scène? Oui, j'essaie de faire un lien entre les deux, ouais. Même au niveau sonore, tu essaies de faire sonner live? Non, j'essaie pas forcément de faire sonner live. Le dernier album Modern Ruin que j'ai fait sur les femmes troubadours, ça a été des chansons que j'ai écrites. Je l'ai jamais entendu. Est-ce que c'est disponible? C'est pas encore sorti au Canada. Okay, alors, okay. C'est censé de sortir au Canada à la rentrée de septembre 2000. C'est disponible où actuellement? Actuellement, c'est disponible en France et en Europe. Okay. Et en fait, mon stock est épuisé en ce moment. C'est pas grave, je vais aller chercher sur Internet. Mais je peux aussi vous envoyer une copie dès que je l'aurai. Il n'y a pas de problème. Mais c'est des chansons mais que j'ai écrites. Mais pourquoi c'est épuisé? Ça veut dire que les gens ont besoin de... Bah, ça veut dire que mes stocks personnels sont épuisés. Okay, parce que je rentre d'une tournée et tout a été vendu. Okay. Heureusement. Non, mais je croyais que c'était épuisé dans les bacs. Ah non, dans les bacs, okay. Non, normalement, c'est pas épuisé. Okay, okay. Et c'est sur iTunes et tout. Okay. Donc, et Spotify, et ça ouais. Se trouve. Mais donc, c'était des chansons que j'ai écrites à la guitare qui ont été arrangées pour un quatuor à cordes. Donc, un quatuor à cordes classique. Mais les arrangements qui sont très inventifs et très qui croisent les sources, etc. Donc si vous voulez, il y avait un lien très très fort entre le studio et le live. Parce qu'on a commencé à jouer en live avant, ouais. Il y avait une telle richesse juste avec la matière acoustique. Et le vécu en live. Oui, ça a été. On a fait beaucoup de résidences, de travail pour travailler avec la matière du quatuor, avec le bois, ce qu'on peut faire avec ces quatre instruments, qui n'avaient pas beaucoup de place pour une sorte d'exploration technique dans le studio, car il y avait une telle richesse dans la matière elle-même, on trouvait. Donc voilà, si on écoute l'album, c'est quasiment exactement ce qui est sur scène. Et je trouve que c'est très riche, c'est un arrangeur. Et ça donne l'énergie aussi, là. Ouais. L'énergie de la scène, tu la sens sur la scène. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et c'est un arrangeur français qui a fait les arrangements, qui s'appelle Clément Ducol. Et il a... Clément Ducol, je l'ai rencontré il y a 2 ans, c'est le chum de Camille. Ah oui, ah oui, je le connais très bien. Ah d'accord, donc, ah c'est, oui. Donc c'est, ah, Clément, c'est oui. Clément. Oui. Ok, exactement. Moi je le connais, mais oui. D'ailleurs, il adorerait venir au Canada pour faire la résidence, pour monter le répertoire. Exactement, avec je l'ai rencontré. C'est l'année dernière, je l'ai rencontré. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. À Montréal ou ici Ici à Paris. Ah, ok, à Paris. À Paris. Ah d'accord. Ah super. C'était même, ici même. Ici même. Non, je vais l'envoyer un texto pour dire que je suis là avec toi. Ben oui, vas-y. Je vais prendre une photo à la fin. Ouais, ben moi aussi. D'accord. Je te sens pas. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc c'est lui qui a fait les arrangements. Je ne sais pas, vous l'avez rencontré dans quel cadre? C'était pour son travail avec Camille? Mais pas du tout. Juste... On a relaté sa carrière, son travail. On a parlé un peu de son père qui est musicien. Donc, exactement. Non, lorsque je rencontre les artistes, c'est surtout... Oui, s'il y a de l'actualité, tant mieux. Ouais. Mais c'est surtout pour relater sa carrière. D'accord. Sa vision des choses. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est ce qui m'intéresse. Puis si tant mieux pour lui, il y a une actualité, on en parle. Puis Albin de la Simone, est-ce que tu connais Albin de la Simone? Oui, bien sûr. Bon, je l'ai rencontré il y a 3 ans, il préparait Mon Homme. Ah oui, d'accord. Mais là, il était en train de faire le mix. L'album. Oui, c'est vrai, d'accord. Et là, je lui disais, à quel moment... Parce que là, il dit, là, c'est incroyable, je suis pris dans un mouvement, puis... Parce que lui, on le voit souvent à Montréal. Oui. C'est un grand amoureux du Québec. Oui, oui, oui. Bref. Mais là, j'ai dit, à quel moment tu te dis, c'est assez? Tu sais, c'est comme un peintre, arrête de mettre de la couleur, là. Ouais. Fends ta toile, puis... Là, il dit, ben, c'est ça, il dit, j'attends ce moment-là. Ouais. Puis là, j'ai parlé, ça, c'est intéressant, puis je vais peut-être, je vais t'en parler aussi. Shuffle my cards, you see what will be. But can I change the cards or the origin of stars? Hey, you came as a fox and the ghost of the night, and you hunted the rabbit. Yes, you broke her little neck, and I couldn't change her cards or the origin of stars. The danger and the promise, the future you see. You speak with your lips, I hear with my fear, my lust, my greed. son. He say, boy, come to the mountain, let's pray. Almost slit his little neck, like God told him to. But God can change the cards and the origin of stars. With the fear and the blindness, the faith we lately lead. Her father, a killer, her fear and lust and greed. But you, I'll tell you what I see. You were never really born, so you'll never really leave. Your yesterday, tomorrow, your Venus and Mars, your speed and light, you're the origin of stars. Is a deadly place. I went walking there today. Head high and very brave. Oh, I knew I'd have my way. And as I was walking, the song I was singing, and the sky kept crushing. Prépare un album. Ouais. Comment tu conçois la hiérarchie des pièces musicales? L'ordre? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Parce que lui, il était en train de mixer. Il ne savait pas encore à quelle place les chansons allaient être. D'accord. Et ça, c'est bien parce que là, lui, il était en pleine création. Il a pris une heure et demie parce qu'il était au 104. Ouais, ouais, ouais. Pour venir me voir dans un petit café à la sortie Jaurès. Ouais. Et là, il était encore avec ses instruments, puis on parle de ça. Il est retourné après ça, remixer ben ça. Ouais, c'est... Mais c'est bien, c'est merveilleux. C'est bien, c'est... Ouais, ouais, et ouais. Donc, toi, est-ce que tu vois la continuité, un peu comme l'homme à tête de chou de Gainsbourg, tu sais, il y a ça, ou tu sais même pas comment tu vas présenter tes pièces sur l'album? Ça dépend du répertoire. Sur Modern Ruin, c'était très clair. C'était très clair, l'ordre, parce qu'il y avait une sorte de fil narratif qui traversait les morceaux. Très vague, mais qui était là. Et donc, d'ailleurs, on fait toujours l'ordre de l'album sur scène. Ah, ah oui? Ouais, on fait toujours la même ordre. Enfin, on fait quelques chansons supplémentaires sur scène qui ne sont pas sur l'album. Après ou avant l'album, c'est ça? On le fait peut-être en bis après. Okay. Okay. Mais parce que l'ordre... Parce que voilà, l'ordre s'est imposé comme ça. L'ordre, c'est pas... Il y avait un truc dans l'énergie, dans l'évolution de... Mais tu recrées pas le son du studio? Est-ce qu'on quoi? Est-ce que tu recrées le son du studio? Non, tu oui, tu enfin, veux... on travaille avec un ingé son tu veux pas sur place. Faire un son live, c'est vraiment la reconstitution de l'album sur scène. Bah, je veux dire que non, c'est un peu l'inverse. L'album était la reconstruction de la scène en studio. OK. Donc... Okay. Donc voilà, pour l'ordre, elle était là. Et à la composition, est-ce que tu fais une chanson après l'autre ou c'est quand tous les pièces sont là et mixées que tu dis bon ben celle-là va aller là, celle-là va aller là. Est-ce que c'est à l'écriture que tu... Je pense que c'est... Non, c'est plus à force de les jouer sur scène. Okay. Moi, je fais toujours un peu de scène avec les morceaux avant de... Tu veux les faire vivre. Oui, les faire vivre. Parce qu'il y en a qui s'en vont, là. Voilà, exactement. Oui, et pour les voir comment ça réagit, voir comment... Est-ce qu'ils vont vivre, est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils... Exactement, oui, oui, oui. Donc, ils sont faits pour être joués sur scène aussi. Oui, oui, oui, oui, oui, non, c'est ça. Donc voilà, ça, je pense que ça dépend, oui. Enfin, chaque chanson a son énergie, et puis... Au fur et à mesure. Moi, c'est souvent pas vraiment à la fin. C'est souvent quelque chose qui vient au fur et à mesure. Est-ce que tu sens qu'avec les années, tu as ton style ou tu veux pas te placer dans un carcan artistique? Moi, j'aimerais bien pouvoir... parce que parfois, je pense que pour les gens, ce que je suis, c'est peut-être pas très lisible toujours. Donc, j'aimerais bien parfois que je sois plus dans un carcan parce que... Okay. Mais pour moi, je trouve que j'ai un style, je trouve que je fais une sorte de folk moderne qui est... Éclaté, un peu éclaté. Éclaté, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Qui vibre un peu avec plein d'inspiration et plein de sources. C'est sûr qu'on prend un peu de partout et j'ai une écoute qui est très ouverte aussi. Je fais des études de musique médiévale, donc c'est sûr que j'ai... T'es très curieuse. Oui, je suis très curieuse et donc voilà, tout cela, enfin voilà, tout cela, ça s'enchaîne, ça se tricote. Donc quand les gens me demandent dans quel genre de musique est-ce que tu fais, je dis bah c'est une sorte de folk moderne parce que pour moi c'est assez large et assez vague et ça cloisonne dans absolument rien. Et ça cloisonne pas, peut-être ça donne une idée d'une guitare, voilà, un troubadour. Une guitare folle. une guitare folle qui oui, s'enflamme. Ouais, ouais. Donc c'est suffisamment de carcan pour moi parce que bah, j'espère que c'est assez lisible pour les gens et à l'intérieur de ça, je me sens suffisamment libre de faire différentes choses, de ne pas suivre une recette ou une autre. Quel message tu veux laisser ou que tu veux proposer? Bah, moi, en ce moment, je trouve que ce que je suis en train de vivre et ce que je trouve être très libératrice, c'est que j'ai envie d'encourager les gens et de m'encourager aussi, de vraiment prendre du plaisir dans qui ils sont, dans comment ils voient le monde, de cultiver son style personnel, justement. Jouir de la vie. Oui, et à sa manière, parce qu'on a énormément de messages voilà, partout qui nous bombardent tout le temps, que... Il faut vivre de telle manière, il faut être de telle manière, il faut penser de telle manière. Et au final, je trouve que c'est très important et c'est très essentiel à son bien-être dans la vie. De trouver son chemin. De trouver son chemin. Et ne pas suivre le truc. Et de croire en son chemin et peut-être... Et voilà, et on sent ici si c'est bien ou pas. Ici, on le sent dans son cœur, si ça nous correspond ou pas, et de ne pas avoir peur de ce qui nous correspond réellement. Et de notre différence, s'il y a différence. Oui, exactement. Et moi, je suis pour la subjectivité, pour la différence. Je trouve qu'il y a un processus parfois de rendre tout homogène, nivellation. On est toutes pareilles, tout semblables. Tout photoshoppé. Mais c'est sécurisant aussi de ressembler à tout le monde. Hein? C'est sécurisant de ressembler à tout le monde. C'est peut-être sécurisant, mais moi je... Non, mais c'est beaucoup plus intéressant d'être soi-même et d'avoir son propre style, puisque c'est la curiosité qui se réveille. Oui, et puis on devient... Quelque part, si on cultive son propre style, c'est irremplaçable. Puis on ne s'endort pas dans notre confort, donc on remet tout le temps en question. Oui, exactement. On évolue, l'évolution. Donc je pense que ce n'est pas un message, je ne suis pas la première à le dire. Oui. Ce n'est pas très original, mais c'est sincère. Voilà, un de mes héros personnels, c'est la Iris Apfel, qui est dans la mode, qui a développé son style qui est complètement elle. Mais c'est ce qu'elle dit, le style, ce n'est pas dans un magazine. Un style, c'est quelque chose qui vient de l'âme, qui vient du cœur, qu'on arrive à exprimer par la musique, par le fashion, par la radio, par... Voilà. Et je trouve qu'un monde rempli de gens qui sont épanouis comme ça, en sachant que oui, ça demande une certaine confort matériel et j'en suis consciente, je trouve que c'est un monde qui est plus heureux. Est-ce que tu trouves qu'à 26 ans, tu es... À 26 ans, que si tu te compares à d'autres filles de 26 ans, tu es autrement, tu n'es pas comme les autres, tu es beaucoup plus... tu as cheminé davantage que les autres. J'essaie de ne pas me comparer. Okay. J'essaie de ne pas me comparer parce que je sais que chacun a son rythme, a sa manière d'avancer, d'évoluer. Après, je circule beaucoup dans des milieux de la musique où l'âge est quelque chose qui est extrêmement relatif. C'est pas une grande... importance. Voilà, c'est pas d'une grande importance parce que l'important, c'est de pouvoir dire quelque chose, de pouvoir s'exprimer, et ça peut arriver tôt ou tard. On espère juste que ça arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Donc voilà. Et le travail que tu fais, est-ce que d'autres veulent que tu travailles avec eux? Est-ce qu'il y a des collaborations Oui, bien sûr. Ouais, j'adore. J'adore travailler avec d'autres personnes. Clément Ducol, par exemple, c'était une collaboration qui était très passionnante pour moi parce que c'était fascinant d'entendre ces chansons composées comme ça à la guitare et puis après, de les entendre revisiter pour un quatuor à cordes c'était une guitare fantastique, quoi. Donc pour moi, c'était à la fois très chamboulant, fascinant, très riche en tout cas, et j'en suis très très fière du résultat. Et s'être muet aussi, là, de... Ah oui, parce que c'est aussi le regard que les gens ont sur soi, on s'y attend pas, sur son univers, sur ce qu'on propose, et aussi qu'est-ce qu'il propose pour sublimer ce qu'on propose. Il y a une sorte de relation de confiance qui doit s'installer. I got to Entendu quelqu'un interpréter tes chanter tes chansons? As-tu déjà eu des... Moi, j'ai entendu des gens faire des remixes. Est-ce que... Oui, ça m'est arrivé d'entendre des gens faire des reprises aussi, ouais. Et j'adore. Oh, j'adore. Non, mais comment tu te sens? Est-ce qu'il y a, il y a un petit velours qui... Velours, ça veut dire quoi? Oui, ben, un plaisir à voir, de dire, ah ben ces jeunes-là ont pris mes trucs et ils se l'ont accaparé. Parce que ça, c'est s'accaparer une œuvre. Ouais. Toi, tu lances des bouteilles à la mer. Oui, c'est ça, ouais. Et le public prend ce qu'il veut et les musiciens en prennent ce qu'ils veulent. Ben, moi, je crois vraiment dans la tradition orale de choses qui se mélangent. Quand je disais troubadour, je suis pas loin. Et non, exactement, exactement. C'est donc moi ça me passionne. Je trouve que si sa créativité inspire la créativité d'autres gens, tant mieux. C'est très sympa. Tant mieux. C'est ce qui me passionne de ce métier. Parfois, la sensation de sortir d'un concert et de vouloir rentrer chez soi pour écrire, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, je suis ravie quand les gens, si ma création inspire leur création, c'est le rêve. Oui, c'est ça. Au moins, tu as touché quelqu'un, tu as touché un musicien. Oui. Hey, j'ai 10 questions, puis on va voir où ça nous amène. Ouais. Si tu étais un liquide? Si j'étais un liquide... Oh, le champagne. Oh non, parce que je trouve que c'est une ivresse très joyeuse. C'est bon, le champagne. C'est bon. Et c'est bon. Oh, c'est la première chose qui vient en tête. C'est moins cher ici qu'au Québec, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est beaucoup moins cher ici. Aussi, c'est moins bourgeois aussi. Hein. Oh non, mais ici, c'est désacralisé. Hein. Ici, c'est désacralisé. Ah ouais. On prend du champagne parce qu'on veut boire du champagne. Tandis que chez nous, c'est pour fêter, c'est pour souligner quelque chose, hein, la fin de l'année ou la fête du Québec. Bon. Oui. Non, la fête du Québec, c'est de la bière, c'est pas du champagne. C'est de la bière. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville, Venise. Est-ce que tu y vas souvent? J'y étais pour un concert au mois de mai. Et je suis tombée amoureuse. J'y étais déjà, mais c'était la première fois pour jouer. En fait, je trouve que c'est une œuvre d'art, quoi. C'est une chanson en trois dimensions. C'est un chef-d'œuvre, quoi. Partout qu'on regarde, c'est une ville qui est complètement artificielle. C'est une œuvre d'art. C'est de l'art, quoi. Et voilà. Je trouve ça très poétique, ouais. Si tu étais une langue. Si j'étais une langue. Si j'étais une langue, peut-être le. Je suis très fan de Le Seigneur des Anneaux. Ah oui, ok. Donc je dirais le langage des elfes. Oh. Si tu étais une époque. Puis qu'est-ce qui te plaît dans le silence? Dans l'époque médiévale. Ok. Si j'étais. Non, mais si j'étais une époque, je dirais que je serais le présent, quoi. Parce que c'est le présent où il faut être, voilà. Je suis, enfin voilà, mais pour moi, le présent vibre avec le passé, et on se projette dans le futur. C'est le présent qui est plus complet. Il y a le passé et le futur dedans. Donc, ça, pour moi, c'est le moment qui est la plus riche. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches sur l'époque médiévale parce que c'est assez proche que nous avons de l'information et on peut faire des recherches, mais c'est assez loin qu'il y a un tel mystère et aura, on va jamais pouvoir dire définitivement que c'était comme ça. Donc c'est nécessaire d'utiliser l'imagination pour remplir les trous. Si tu étais un mot. Si j'étais un mot. Je serais. Oh là là, c'est trop difficile de choisir un mot. Si j'étais un mot, je serais. Je peux pas répondre. Il y en a trop, ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Si j'étais un aliment, je serais. J'espère que je serai, enfin, au Japon. J'ai été au Japon. Et vous savez, il y a le cinquième, comment ça marche, le sens qui, le goût qui est l'équilibre parfait entre sucré, salé, et c'est un peu comme la cinquième sens, quoi. Donc j'espère que je serai un jour un aliment, voilà, qui équilibré, en fait, ça sublime tout le reste, le sucré, le salé, c'est un voilà. Donc on peut toujours espérer. C'est vers là où on veut aller, en tout cas. Est-ce que tu connais Oishi, le... je pense que ça s'appelle. Oishi. Est-ce que tu connais le musicien Pierre Fa? Oui. Okay. Je l'ai rencontré hier. Ah, génial. Oui, je le rencontre à chaque année. Est-ce que tu as déjà travaillé avec Pierre Fa? Non, jamais. OK, tu le connais parce que des amis... Moi, je connais de nom. Je connais pas bien son travail, son œuvre. Okay. Faut que je découvre. Ben oui. C'est fabuleux. C'est un monde en soi. Il va en Orient extrêmement souvent. Ah, d'accord. Le 20 juillet, il s'en va pour 2 mois faire des prestations. D'accord. Ouais. Ah oui, génial. Oui, on lui demande souvent d'aller travailler. D'accord, OK. Si j'étais une saison... Enfin, ça dépend dans quel pays. Au Canada, je serais l'automne. OK. Parce que j'ai toujours trouvé que c'était... c'était un moment de tellement belle, mélancolique, plein de choses. J'adore les odeurs, j'adore les couleurs. En France, je pense que je serai le printemps. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit truc, April in Paris, il y a une petite magie qui se passe. Voilà, une sorte de joie, d'émerveillement qui est très contagieux. Est-ce que tu te considères comme une fille romantique Complètement. Ah oui, ok. Oh oui. C'est peut-être le mot que j'aurais dû choisir tout à l'heure. Non. Ah, oh, ok, romantique. Okay. Si tu étais un membre corporel. Si j'étais un membre corporel. Oh, les yeux. Ok. Je serais les yeux. Pour voir dans l'âme. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Le crépuscule. Ah oui. Ouais. Tout se prépare, hein. Tout se prépare au crépuscule. Ouais. Tout peut arriver. C'est ça, exactement. Si tu étais un autre individu. Si j'étais un autre individu, je serais qui? C'est ça la question? Est-ce que je peux être un animal? Ah oui, oui. Quand j'étais gamine, je voulais être une girafe. Une girafe, pourquoi? Je ne sais pas. Oui, peut-être que c'était ça. C'est le coup? Ouais, je ne sais. Mais. C'est la mutuelle? Je ne sais pas, j'ai eu une expérience très curieuse. Avec une girafe? Pas avec une girafe, okay. avec un petit garçon, justement. Qui était persuadé que... Enfin, il avait 5 ans. Okay. C'était après un concert et il est venu me voir et il m'a dit « On se connaît. » Je ne l'avais jamais vu, donc j'ai dit « Désolée, mais je suis ravie de faire ta connaissance, mais on ne se connaît pas. » Il me dit « Je te connais. Dans une autre vie, on s'est aimé. Hey. » Dans une autre vie, voilà, on était amoureux. Il avait 5 ans. J'étais scotchée parce que c'était dit avec une telle vérité, avec une telle simplicité et sincérité qu'on dit ok, d'accord. peut-être c'est vrai, donc mais il voulait te charmer. J'étais déjà 5 ans, il voulait te charmer. Il était très charmant, mais c'était pas fait avec l'esprit de vouloir charmer. C'était juste une vérité qu'il voulait partager avec moi. Donc peut-être on... Mais t'as-tu parlé davantage avec ou... Si, on a... Après, voilà, on a discuté ensemble. Il était... 5 ans. Il avait 5 ans, ouais. Il avait 5 ans et puis... Donc peut-être on est d'autres individus. Alors tu dois avoir son numéro puis attends dans 15 ans, tu le rappelleras. Tu vas me marier. Je pense qu'ils vont pas s'en souvenir. Tu vas te marier deux fois, mais toi tu vas t'en souvenir, tu le marieras deux fois. Peut-être, malheureusement. Malheureusement, je crois qu'on a on sait des choses à ces âges-là qu'on oublie plus tard. Oui, mais toi tu ne l'oublieras pas. Moi je ne l'oublierai pas. Je lui ai écrit une petite chanson. Ah oui, tu as écrit une chanson? Je lui ai écrit une chanson. Que voilà, ce serait sur le prochain album un jour, il saura que c'est pour lui. Ah, mais ça serait bien. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Elle dit qu'elle a mal. Oui, complètement, parce que je pense que avec un entier femme à l'époque pendant deux jours. On fait les choses par... Il y a une sorte de nécessité. Les choses se font... Moi, je crois que les choses ont un sens et se font d'une telle manière pour une raison. Peut-être c'est naïf de croire ça, mais... Et je pense que quelque part... On est très égocentrique, on pense que c'est nous qui choisissons. Ouais. Mais en fait, parfois, peut-être c'est le chemin qui nous a choisi, et peut-être c'est la ville qui nous a choisi. I got a body that screams. I got a body that speaks for me. Haunted, haunted body. Been like this since I was 17. I got a body that screams. Body, body, body, you don't listen to me. A bad, bad, bad body. And you've been like this since I was 17. And I've got no more. The ones that cut for me, the icy old wound. I've got no more. The ones that break for me, thunderstorm. The thunderstorm. J'avais à refaire, sans doute ce serait différent, mais à chaque fois que j'ai fait un choix, j'avais l'impression que ça ne pouvait pas être autrement. Ouais. Est-ce que tu te considères comme une fille spirituelle? Oui, je pense que c'est un peu notre responsabilité aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde où tout va vite, c'est éphémère. Tout va vite, tout est éphémère. Puis on met tout, on veut généraliser. Il n'y a pas un Dieu comme on a connu peut-être avant. Les choses sont beaucoup plus hétérogènes maintenant, il y a beaucoup plus de questionnements. Ce qui est très bien, donc chacun a un peu ça. Je pense que chacun a sa responsabilité de créer une sorte de spiritualité personnelle, et je pense qu'on voit énormément c'est ce qui se passe, parce que ce n'est pas, on se rend compte que ce n'est pas peut-être assez, ce n'est pas peut-être assez riche pour nous ce que les médias sociaux nous proposent, ce que on ressent une sorte de vide si on se limite à ça. Donc, as-tu trouvé quelques questions? As-tu répondu à quelques questions que tu tracassais quand tu étais adolescente? Non, mais je pense que ce dont je me suis rendu compte, que l'émerveillement, c'est une... On peut faire beaucoup dans l'état d'émerveillement. C'est un cadeau, hein, d'être émerveillé. Et de prendre soin de son émerveillement, de sa capacité pour voir la beauté, d'apprécier la beauté. Ça, c'est une posture qui, au final, a une grande force. Rester ludique, rester enfant. Ouais, tout ça. Et donc voilà, bien sûr, il y a des choses difficiles à traverser, mais ici, on peut toujours prendre soin de son émerveillement, de son appréciation pour la beauté qui se trouve partout dans le monde. Si on peut trouver une manière pour célébrer cette beauté, je pense qu'on est... Ça, c'est une posture forte pour affronter tout le reste. de cultiver ces gens dans nos vies qui nous font sentir ça, essayer de célébrer ces personnes et ces moments, et ça nous donne de la force pour le reste, quoi. Est-ce que tu es une fille festive? Oui, j'adore. Ah oui, c'est sûr. Ouais, mais après je suis disciplinée dans mon travail, donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Je peux pas partir sur la dérape pendant deux jours en un mois. Oui, parce que parfois il y a des moments pour ça, mais après je me rends compte, non, voilà, il faut être on n'a plus 20 ans, hein. Ouais, c'est ça. Et puis même le c'est, enfin, la chanson, voilà, il y a des moments d'inspiration, mais il y a aussi beaucoup de travail, comme n'importe elle, autre travail, un travail de son, un travail de technique, un travail de voilà, donc ça demande d'être présente et en forme. Est-ce que tu es une fille qui travaille beaucoup? On parle de travail, est-ce que tu bosses beaucoup? Ouais. Es-tu une bosseuse? Ouais, je travaille beaucoup parce que je... Et pour toi, est-ce que c'est du travail ou du plaisir? Ça dépend des jours, mais en fait, j'essaie de maintenir une régularité. Un rythme dans l'écriture, dans tout, parce que, en fait, on entend des choses dans sa tête et on n'a pas encore la capacité de les exprimer. Donc voilà, il faut tout le temps alimenter. Il faut les capter. Ouais, voilà. Donc c'est comme avoir plus d'outils dans sa boîte. Ah, ouais. Donc voilà, plus on travaille, plus on a d'outils, plus on a de manières intéressantes, sophistiquées, subtiles à exprimer les choses qu'on a dans sa tête. Donc on a vraiment l'intérêt de, voilà. Et peut-être les gens diraient autrement, mais je pense que voilà. Non, c'est un métier où il faut travailler. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les années à venir? Je souhaite que je peux continuer à vivre de mon métier, pas tout simplement. Mais depuis le début, est-ce que tu sens que ça s'ouvre à toi, l'argent rentre plus facilement, les contrats arrivent, les gens veulent travailler avec toi, est-ce que c'est plus facile? Oui, je sens que, oui. Sinon, je ne serais pas là, mais Tu rames un peu moins, tu peux te consacrer plus à ton travail de créatrice. Je peux me consacrer entièrement à ce travail et ce que je souhaite, c'est trouver l'équilibre entre ces moments, voilà, où c'est sûr, il faut être dans le faire, et ces moments où il faut être dans l'être, il faut être, quoi. Parce que c'est les moments où on est, où on peut vraiment laisser les grandes énergies se traverser. Et donc ça, c'est un équilibre un peu curieuse à trouver, Est-ce que tu as une équipe qui travaille avec toi? Oui. J'ai une équipe de personnes, autour de moi. Pour te laisser davantage d'espace et de temps pour travailler, oui. Pour enlever des lourdeurs administratives et... Oui, ce genre de choses, oui. Ouais. Alors, c'est un confort d'avoir des gens, une mini-compagnie lorsqu'on a 26 ans, c'est quand même intéressant. Oui, non, c'est sûr. Non, je suis consciente très... de ce qui se passe. Oui. Mais après, je suis quelqu'un qui est un peu concerné sur toutes les étapes. Oui, tu choisis, mais en même temps, il y a des gens qui sont là pour te retirer un peu de pression. Ça c'est une bonne chose. Et puis, oui, c'est très encourageant d'avoir des gens autour de soi qui croient en toi et te suivent de près, ce qu'on propose, et ça c'est toujours... C'est flatteur, et puis ça, ça nous encourage. Puis ça prouve que ton univers touche d'autres personnes. Ton univers arrive à s'ouvrir ailleurs que uniquement à ta propre personne. Ouais. Donc tu laisses aller et les gens gobent et se sentent interpellés par ce que tu fais. Oui. Est-ce que dans la chanson, dans ce que tu prépares, dans ce que tu fais, ce que tu as fait, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose d'universel dans ton écriture? Je pense que c'est vraiment pas moi qui peut le dire, parce que bien sûr, les chansons partent d'une expérience qui est personnelle. Après, ce que j'adore dans la chanson, c'est sa capacité d'être à la fois très particulière à soi, à sa vie, et sa capacité d'être très ouverte et très large et très métaphysique. Donc pour moi, quand je suis très heureuse avec une chanson et je me dis « Oh là là, je l'ai eue », c'est que quand je sens qu'il y a cet équilibre. Il y a cet équilibre entre mon expérience personnelle et quelque chose qui est... Tu as bien transmis l'idée que tu voulais. Ouais, merci. Ouais, ouais. Mais sans être trop spécifique à moi. OK. Et que ça parle... Ouais. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est une belle sensation dans l'écriture quand on sent qu'on a trouvé cet équilibre. C'est comme le fuseau, une lumière qui s'élargit. Ouais. Et tu essaies de... Ouais, c'est une belle image. Ouais. Kiri, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi. Ici, à Montmartre, en voie exceptionnelle. Une fille du monde. Ouais. Deux troubadours, un radiophonique, puis une à la musique et surtout au style folk qui déjante un peu, qui explose. Ouais. On se revoit sans doute à Québec, au Québec, avec un spectacle. Grand plaisir. Je pense que comme ce serait à la rentrée 2017, genre l'automne. Okay. L'automne. Avec un spectacle. Avec un spectacle, avec un quatuor à cordes basé à Montréal, justement, qui s'appelle Warhol Dervish. Oui. Je pense qu'ils vont reprendre le spectacle au Canada. OK. Et aussi à Québec. Est-ce que tu vas faire des salles à Québec aussi? Oui. Je pense. C'est en cours. Mais... Tu es un tourneur qui travaille très, très bien pour... Oui, c'est en cours, mais ouais. Écoute, la curiosité et surtout l'intérêt, on se fait signe et puis à la radio, on va en parler. Avec très grand plaisir. On veut aller te voir, t'applaudir. C'était un grand plaisir de discuter avec vous. Moi aussi, tu es très sympathique. Merci. Et ce qui me plaît dans le fait de rencontrer certains artistes, c'est de rester accessible. Et c'est bien de... Bah oui, c'est un métier pas... comme un autre. Je... Oui, ouais. Mais c'est pas tout le monde qui... Non. Le succès, quelquefois, peut faire perdre la tête. Ouais. Mais on voit que tu es ancré dans le spirituel, donc... Ouais. Ça prendrait beaucoup pour te modifier et te déraciner pour... Ouais. T'es bien surtout, on sent que tu es bien entouré. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais, c'est super important. Ouais. Ouais. Non, j'ai cette chance, mais... Mais voilà, j'ai très hâte de venir et je suis très heureuse de faire cette entrevue avec cette radio dont c'est je suis très fan. Ah oui, parfait. Ouais, donc écoute, merci. Ouais, merci. Puis on se revoit à Québec. Oui. Puis on t'écoute. Oui. Ben oui, on va s'exciter le tympan avant de s'exciter les yeux à te voir sur scène. Merci, Kiri. Merci, René. Bye. Tu vas oui. Couper un peu dans. Oui. Ouais. Purple is the black eye, got the gypsy good. I will, and swirl, and swirl, and shine. Purple is the pattern that I twist around my finger. I will, and swirl, and swirl, and shine. These friends I've had and those of you to me. hard away. Some days just flash and fade. Why won't she dance for me? She just said, how many lives are just like mine? This drive along from heel to toe. And kicking her down the earth in a killer flamenco. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.